à tous, vous êtes bien sur Radio Gémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Mario et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le mardi 6 novembre et nous souhaitons une bonne fête au Bertie. Ça vient du germanique signifiant qui brille au combat. Bertie a une personnalité complexe, voire ambiguë du fait des deux natures antagonistes qui s'affrontent en elle. Un côté masculin, le 1 actif, volontaire, autoritaire, indépendant et quelque peu égocentrique, ayant tendance à ramener tout à soi en régentant, dirigeant et recherchant la première place. Un côté féminin, le 2, passif, parfois velléitaire, timide, dépendant, affectif, à l'écoute des autres et plutôt altruiste. Ses façons en profit des autres. Ce curieux mélange a pour effet de lui conférer un caractère cyclotimique, tour à tour enthousiaste, confiant et actif, puis défaitiste et passif. Sa grande réceptivité et son hyper-émotivité sont à l'origine de son humeur changeante. C'est certainement au cours de l'enfance qu'elle souffrira de ses ambivalences, tiraillée entre ses désirs de grandeur et son besoin d'être protégée et sécurisée, d'autant que son ombre active se vit la plupart du temps en deux. Et nous fêtons également aujourd'hui les Léonards, ça vient du latin fort comme un lion. Équilibre et harmonie se dégagent de leur personne qui possède au demeurant un certain charme. Soucieux de leur apparence, les Léonards cherchent à plaire et sont prêts pour cela à déployer conciliation, intuition, adaptation, charme, séduction et savoir-faire. Ils savent se montrer intelligents, enthousiastes et communicatifs. Ils manient avec aisance une dialectique souple, possèdent de la vivacité d'esprit, de l'astuce teintée d'une pointe d'humour. Fiers, nerveux, il leur arrive fréquemment d'être satisfaits d'eux-mêmes. L'orgueil est souvent leur principal travers, avec la susceptibilité et les petites crises de colère qui en découlent. La curiosité est chez eux une arme à double tranchant, car si elle leur confère un côté éclectique et brillant, elle les pousse à une certaine instabilité. Ils sont souvent esthètes, raffinés et peuvent manifester un sens artistique certain, à moins qu'ils ne vivent leur cisse karmique dans un besoin de confort ou de sécurité familiale. Dicton du jour, à la Saint-Léonard, toute la vermine part. Célébration internationale, aujourd'hui c'est la journée internationale pour la prévention de l'exploitation de l'environnement en temps de guerre et de conflits armés. Et en Finlande, et en Suède, c'est la journée du patrimoine finno-suédois, journée qui célèbre la culture finno-suédoise et le bilinguisme de la Finlande. Ça s'est passé un 6 novembre, en 1860, Abraham Lincoln devenait le 16e président des États-Unis. En 1984, c'était la réélection de Ronald Reagan à la présidence des États-Unis. En 1996, la Croatie devenait le 40e membre du Conseil de l'Europe. Et en 2012, c'était la réélection de Barack Obama à la présidence des États-Unis. Et aujourd'hui a lieu également des élections aux États-Unis. On en entend parler depuis quelques jours maintenant, avec notamment des stars qui prennent clairement parti pour que les Américains aillent voter aujourd'hui. Allez, on va tout de suite marquer une nouvelle pause musicale, une première, c'est déjà bien, avec Florent Pagny et son titre « Si tu veux m'essayer ». Si tu veux m'essayer, même une semaine, si tu veux m'essayer, c'est pas un problème. Si tu veux m'essayer, ma tête et mes veines, mon corps et mes idées, mes peurs et mes haines, je me ferai tendre pour t'apprivoiser, pour te garder, pour te défendre. S'il le faut, je me ferai sorcier. Si tu veux m'essayer, sans jurer toujours, juste pour écouter, sans parler d'amour. Vraiment. Laurent Pagny sur RGM, presque 8h38. Et il est temps, eh bien, pour nous de parler anniversaire. On va faire un point sur tous ceux qui sont nés un 6 novembre 1946. Naissance de Sally Field, actrice américaine vue dans Norma Rae, dans le rôle de Norma Rae, récompensée par le prix d'interprétation féminine du Festival de Cannes, ainsi que par l'Oscar de la meilleure actrice, vue dans Kiss Me Goodbye. Les Saisons du Cœur, dans le rôle d'Edna Spalding, récompensée par l'Oscar de la meilleure actrice, Madame Doubtfire dans le rôle de Miranda Hillard, Forrest Gump dans le rôle de Madame Gump, The Amazing Spider-Man et The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros dans le rôle de Tante May, vu également dans Lincoln dans le rôle de Mary Todd Lincoln, la série télé Urgence dans le rôle de Maggie Wisniewski, Brothers and Sisters dans le rôle de Nora Walker. 1960, naissance de Michael Cerveris, acteur américain, vu dans la saison 6 de Fame dans le rôle de Ian Ware, ou encore la série télé Fringe dans le rôle de Septembre l'Observateur. 1961, naissance de Florent Pagny, chanteur et acteur français, vu dans Inspecteur La Bavure, Les Surdoués de la Première Compagnie ou encore L'As des As. 1966, naissance d'Hervé Matou, journaliste sportif animateur télé français. C'est également l'année de naissance de Peter DeLuise, acteur producteur américain, vu dans la série 21 Jump Street dans le rôle de l'officier Doug Pennell, Sequest Police des Mers dans le rôle de Dagwood, producteur de 22 épisodes de Stargate SG-1 et de 19 épisodes de Stargate Atlantis. 1967, naissance d'Emmanuelle Berco, actrice française, vue dans Ça commence aujourd'hui, Police, Mon Roi dans le rôle de Marie-Antoinette Jézéquel, dite Tony, récompensée par le prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes 2015. 1968, naissance de Kelly Rutherford, actrice américaine vue dans Scream 3, la série télé Melrose Place dans le rôle de Megan Lewis, La Famille Green, Washington Police, DOS, Division des Opérations Spéciales dans le rôle de Samantha Liston, Gossip Girl dans le rôle de Lily Vanderwoodson, Bones ou encore Quantico. 1970, naissance d'Ethan Hawke, acteur américain vu dans Le Cercle des Poètes Disparus dans le rôle de Todd Anderson, Crow Blood troublant. En 2016, dans le film Les Sept Mercenaires et plus récemment dans Valérian et la Cité des Mille Planètes dans le rôle de Jolie. 1972, naissance de Tandy Newton, actrice britannique vue dans Entretien avec un vampire dans le rôle d'Yvette, Mission Impossible 2 dans le rôle de Nia Nordoff Hall, Les Chroniques de Riddick, à la recherche du bonheur dans le rôle de Linda Garner, Solo, A Star Wars Story dans le rôle de Val, ou encore dans quelques épisodes de la série télé Urgence dans le rôle de Kim Likazu. C'est également l'année de naissance de Rebecca Rominge, actrice américaine connue pour son rôle de Raven Darkholm alias Mystique dans X-Men 1 et 2, X-Men l'affrontement final et X-Men le commencement, et vue également à la télé dans la série Ugly Betty dans le rôle d'Alexis Mead ou encore dans la série Chuck. 1978, naissance de Taryn Manning, actrice et styliste américaine vue dans La Famille Green dans le rôle de Rebecca Peabody, Sons of Anarchy dans le rôle de Sherry, Hawaii 5-0 dans le rôle de Marianne McGarrett ou encore Orange is the New Black dans le rôle de Tiffany Duggett. 1986, naissance de Thomas De Gendt, cycliste sur route belge professionnel depuis 2009, qui a remporté le classement de la montagne du Tour d'Espagne en 2018. Et il a remporté trois étapes sur les grands tours, une sur le Tour d'Italie, une sur le Tour de France et une sur le Tour d'Espagne. 1987, naissance d'Anna Ivanovic, ancienne joueuse de tennis serbe ayant fait carrière de 2003 à 2016, qui a été numéro 1 mondial pour la première fois en 2008. Elle a gagné une fois Roland Garros, elle a été une fois finaliste à l'Open d'Australie, demi-finaliste à Wimbledon et quart de finaliste à l'US Open. C'est également l'année de naissance de Sacha Treille, hockeyeur sur glace français, ayant joué à Grenoble. Ensuite, il a joué en Suède, en République tchèque, en Allemagne, avant de revenir en France de 2015 à 2017 en jouant pour l'équipe de Rouen. Et depuis la saison dernière, il est de retour en République tchèque pour le club de l'HC Dynamo Pardubice. 1988, naissance d'Emma Stone, actrice américaine vue dans Bienvenue à Zombieland dans le rôle de Wichita, Sex entre amis dans le rôle de Kayla, The Amazing Spider-Man et The Amazing Spider-Man Le Destin d'un Héros dans le rôle de Gwen Stacy, La La Land dans le rôle de Mia Dolan, récompensée par l'Oscar de la meilleure actrice. C'est également l'année de naissance de Conchita Wurst, chanteuse et drag queen autrichienne qui a remporté le concours de l'Eurovision pour l'Autriche. C'était en 2014 avec le titre Rise Like a Phoenix qu'on va écouter dans quelques petites secondes. Juste avant, on termine les anniversaires avec en 1990 la naissance de Melissa Nkonda, chanteuse française qu'on écoutera en fin d'émission. Mais je vous le disais, maintenant on écoute Conchita Wurst. Walking in the rubble, walking over glass. Neighbors say we're trouble, well that time has passed. Peering from the mirror, no that isn't me. A stranger getting nearer, who can this person be? You wouldn't know me at all today. From the fading light I fly, rise like a phoenix out of the ashes, seeking rather than vengeance, retribution. You were warned. Once I'm transformed, once I'm reborn, you know I will rise like a phoenix. But you're business, act as if you're free. No one could have witnessed what you did to me. 'Cause you wouldn't know me today. Retribution. own breath. I'm gonna fly. Conchita Wurst sur le 107 FM, il est un peu plus de 8h46 minutes et il est temps pour nous de parler météo. La météo. Eh bien écoutez, la météo restera toujours agréable, hein, du soleil avec un petit peu de nuages, des températures bon, fraîches hein, ce matin, elles sont comprises entre 5 et 6 degrés, mais cet après-midi elles seront comprises entre 15 et 16 degrés, somme toute agréable hein, pour un début novembre. Mercredi, soleil et nuages également avec de la pluie à prévoir pour demain après-midi, des températures comprises entre 8 et 9 degrés le matin, entre 13 et 14 degrés l'après-midi. Jeudi, soleil et nuages, des températures comprises entre 6 et 7 degrés le matin, entre 11 et 12 degrés prévues pour jeudi après-midi. Voilà pour la météo et maintenant, eh bien, on passe à l'actualité sportive. Les résultats sportifs. On commence tout de suite avec le football en Ligue 2. Metz qui s'est incliné hier soir 1-0 face à Auxerre. Ce soir, c'est la Ligue des Champions avec tout d'abord Monaco qui reçoit Bruges et le Paris Saint-Germain qui se déplace à Naples. Le PSG n'a pas le choix. Il doit gagner ou au moins faire match nul pour pouvoir eh bien, espérer une qualification. Dans les autres rencontres, l'Atlético Madrid reçoit Dortmund, Tottenham reçoit le PSV Eindhoven et l'Inter de Milan reçoit le FC Barcelone. Un mot de basket avec les résultats de NBA, ce n'était pas une bonne soirée pour nos Français. Le seul qui a réussi à s'imposer avec son équipe, c'est Evan Fournier avec Orlando qui s'est imposé 102 à 100 face à Cleveland. 15 points pour le Français. L'équipe des Knicks de New York de Tilikina s'est inclinée après deux prolongations face aux Chicago Bulls, 115 à 116. Deux assistances pour le Français. Et enfin, Rudy Gobert s'est incliné avec l'Utah Jazz, 111 à 124 face à l'équipe de Toronto. 14 points pour Rudy Gobert. Un mot de tennis avec donc le tournoi de Limoges. Aujourd'hui, Paquet affrontera Maria et Alizé Cornet sera opposée à Baczynski. Et aujourd'hui, c'est le début hein, du Next Generation ITP Finals. Tsitsipas affronte Mouniard, Fritz se repose à Rublev, Tiafoe à Urquaz et Dominor à Quarana. Pas forcément évident à dire. On reste dans le domaine du tennis avec le Master de Londres hein, qui débute le 11 novembre prochain et le forfait de Rafael Nadal. D'ailleurs, il a mis un mot sur ses réseaux sociaux hier. Je vais vous en lire une partie, hein. C'est une traduction un petit peu approximative. Donc, il a déclaré hein, que ça a été une année compliquée, un très beau niveau au niveau tennis. Quand il a pu jouer, mais très mauvais en ce qui concerne les blessures. Il a fait tout son possible pour arriver en fin de saison dans de bonnes conditions, tant à Paris qu'à Londres, en faisant les choses bien et j'avais vraiment envie de jouer. Et il déclare ensuite hein, que malheureusement, donc il a eu son problème à l'abdomen à Paris la semaine dernière. Et là, eh bien, il a dû se faire opérer de la cheville hier. C'est quelque chose chose qu'ils avaient détecté depuis un moment et ça faisait de temps en temps que ça le dérangeait également. Donc voilà, suite donc à tous ces problèmes abdominaux et chevilles, eh bien malheureusement il ne peut pas jouer à Londres. Il déclare ensuite: de cette façon, j'espère être en pleine condition pour la saison prochaine. Merci à tous pour le soutien. Signé Rafael Nadal. Alors, eh bien, le forfait de l'Espagnol profite à John Isner, qui du coup reçoit un ticket pour le Master de Londres, et profite également à Novak Djokovic, qui est donc assuré de terminer cette année à la place de numéro 1 mondial. Et d'ailleurs, on connaît la composition des deux groupes pour ce Master de Londres qui débute à la fin de cette semaine. Dans le groupe Guga Kuerten, il y aura Novak Djokovic, Alexander Zverev, Marin Cilic et John Isner. Et dans le groupe Leighton Hewitt, il y aura Roger Federer, Dominic Thiem, Kei Nishikori et Kevin Anderson. Et on termine cette actualité sportive avec du hockey sur glace en CHL. Je vous le rappelle, c'est la Ligue des Champions. Et bien ce soir, Rouen reçoit l'équipe de Salzbourg. Alors tous derrière les Dragons de Rouen pour pourquoi pas réaliser un exploit dans cette CHL. Voilà pour l'actualité sportive. On va tout de suite marquer notre dernière pause musicale avec Melissa Nkonda et le titre Nouveaux Horizons. Ce sera pas long, transporte-toi vers de nouveaux horizons, vers de nouveaux horizons, entouré de vers de nouveaux horizons, entouré de afin de fuir les problèmes. C'est ici qu'on nous mène, près de paysages de plaine, on récolte ce que l'on sème tout là-haut. Toucher les ailes des oiseaux, c'est valable pour un monde meilleur, ce sera bien plus beau là tout là-haut. Près des cieux, du soleil, lève-les yeux au ciel, tu verras monts et merveilles. Transporte-toi vers de nouveaux horizons. Melissa Nkonda sur RGM, il est un peu Oui, il est presque d'ailleurs 8h55, c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Avant de se quitter, on fait un point sur tout ce qui vous attend aujourd'hui. À 9h, ce sera durablement vos 13h30, la rediffusion de Minute Bonheur avec Lia. À 16h30, la rediffusion de Memento Mori. 18h, l'heure des loups avec Lou. 20h, la parole est à vous avec Michel. 22h, j'aimais, je vous le lis avec Dominique. Et nous, on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Excellente journée à tous.